Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dans le mot « retraite », il y a l'idée de se retirer, de s'éclipser. C'est le cas du militaire qui se retire des combats. C'est le cas du religieux qui s'isole pour méditer. Et c'est bien sûr le cas du vieux travailleur qui cesse son activité. Mais ces retraites ne sont pas les mêmes. Dans la retraite militaire, il y a une idée de défaite, alors que pour le religieux, il y a celle d'élévation. Et pour le travailleur, il y a le repos mérité. Avec la retraite se trouve aussi l'idée de déplacement, comme le militaire qui rejoint son casernement, le religieux dans son refuge spirituel. Quant au travailleur, c'est l'occasion de voyager après une vie de labeur. Mais surtout, dans le champ lexical de la retraite, il y a l'idée de se battre. Car quand le religieux bat sa coulpe et que le militaire bat en retraite, le travailleur, lui, se bat pour défendre sa retraite. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous terminons cette semaine consacrée à cette terrible question, vieillir, mais comment, une histoire sociale de la vieillesse, pour écouter ce que nous avons déjà croisé, notamment les voyages en terre gérontocyte, quand les Grecs dans l'Antiquité étaient fascinés sur la manière de tuer les vieillards, ou encore l'art d'être grand-père au 19e siècle, il y a une solution, c'est l'écoute en ligne sur le site internet franceculture.fr, le cours de l'histoire, ou bien le podcast. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à l'histoire de la protection sociale sur un temps relativement long, qui permet de comprendre les différentes conceptions de la vieillesse qui ont permis la création de politiques à destination des personnes âgées. Une histoire de la protection sociale donc avec vous, Christophe Capuano, bonjour. Bonjour, Xavier Mauduit. Vous êtes maître de conférence, directeur de recherche en histoire contemporaine à l'Université Lyon 2. Vous enseignez également à Sciences Po Lyon et vous avez écrit « Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours ». Sciences Po, les presses de Sciences Po, avec en couverture une affiche de 1967. C'était la journée nationale des vieillards, avec ce sous-titre, ce slogan « Ne rompez pas la chaîne ». Voilà, avec vous Christophe Capuano, nous n'allons pas rompre la chaîne. Et en deuxième partie d'émission, nous allons partir à la Grey Pride. Grey comme gris, fier d'être vieux. Avec vous, Francis Carrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant. Militant. Non, mais c'est vrai, ça me résume bien, militant de la première heure. Alors, notamment dans la lutte contre le sida, ça, c'était la première heure. Parce que aujourd'hui, vous avez fondé l'association Grey Pride, cette fierté du gris. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien qui assure la programmation de cette émission. Anaïs qui viendra avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, je vous propose un petit tour au Baléares. Mais alors, pas n'importe quand, hors saison. Pour fuir ces horribles touristes des mois de juillet et des mois d'août, nous allons au Baléares en octobre 1970 avec l'ORTF. Octobre, la morte saison. Chaque année, ils vont aux Baléares comme ils iraient goûter l'eau à Deauville. Une grande compagnie aérienne organise pour eux des voyages comme celui-ci. Ils viennent de Metz, de Lyon, de Marseille, apprécier ce dépaysement à leur portée dans des hôtels confortables, choisis parmi les 1470 hôtels de l'île. Alors vous êtes déjà venu une première fois ? Je suis déjà venu une première fois il y a 8 ans, aux Baléares. Et j'ai passé à l'époque 8 jours. On avait entendu beaucoup parler des Baléares, qu'on était bien ici. Alors, il disait, comme au mois d'octobre, alors il fait beau. On va aller là-bas. La nourriture est bonne. À part le café. Oh, le café, c'est de l'eau claire. Je n'ose pas dire autre chose, de l'eau claire. Le café, c'était de l'eau claire. Quelle horreur. Il ne faut pas aller au Baléares. C'était le 20 octobre 1970 dans le journal de Paris. Christophe Capuano, quand on entend une archive comme ça, c'est vrai que nous sommes en 1970, mais il y a un petit côté congé payé. On a l'impression de se retrouver en 1936. Il y a des moments importants dans l'histoire de la protection sociale, mais c'est vrai que ce que l'on voit, ces moments de vacances, ce sont les moments les plus doux, les plus agréables. En réalité, la protection sociale, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus sinistre, beaucoup plus austère. C'est plus un combat. Oui, et avoir à l'esprit que les personnes âgées sont constituent la population la plus pauvre de la société française jusque dans les années 1970. Et c'est avec le relèvement du minimum vieillesse, le relèvement des retraites, qu'on va réussir à sortir ces populations de la pauvreté. En 1960, 40% des personnes âgées touchent le minimum vieillesse. En 2004, ils ne sont plus que 4% à toucher le minimum vieillesse. Et c'est essentiel ce que vous dites là, parce que derrière cette image de vacances, de légèreté de la retraite, il y a une réalité. Et c'est vrai que sur le temps long, ces combats pour la protection sociale sont une utilité presque vitale, parce que vous venez de rappeler donc une forme de pauvreté, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la lutte contre l'infirmité. On va dire que ce sont les deux grandes réflexions qui traversent votre travail, hein. Que faire de nos vieux, c'est comment s'occuper des vieux infirmes et après comment s'occuper des vieux tout court. Oui, mais c'était pensé en même temps, c'est-à-dire que il y a des dispositifs en Europe qui sont réfléchis par des réformateurs sociaux, les parlementaires réfléchissent à des solutions. Et dans certains pays, comme en Allemagne, par exemple, avec le système de 1889, il y a une assurance invalidité vieillesse. On joint les deux systèmes dans un système assurantiel. En France, on décide de distinguer deux systèmes. Un système pour les vieux travailleurs et un système pour les invalides, les vieux qui ne peuvent plus travailler, qui sont en incapacité de travailler. Alors pourquoi on choisit de distinguer ces deux systèmes ? Parce que ça permet aux réformateurs sociaux, aux parlementaires républicains, de mettre en avant un dispositif auquel ils sont très attachés en France, c'est le dispositif assistentiel. L'assistance, c'est un des traits spécifiques de la tradition française depuis la Révolution. Et ça plaît également dans un pays qui reste assez libéral, où il ne faut pas trop d'État social. Et donc, ça plaît également parce que ça permet de se démarquer de l'Allemagne et du côté assurantiel. On est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, en pleine tension, de regain de tension internationale avec l'Allemagne, et il n'est pas question d'adopter tel quel le système bismarckien avec ses assurances sociales. Donc, le système français, ça va être un système compliqué, notamment le système de retraite qui va être adopté plus tard que dans les autres, pays, en 1889 pour l'Allemagne, 1900, 1901, 1900 la Belgique, 1901 en Italie, 1908 en Grande-Bretagne. Et en France, eh bien, on a deux dispositifs, comme je vous l'ai dit. Un dispositif assistentiel pour les vieillards, les invalides, hein, une loi, la loi de 1905 pour les infirmes, les vieillards, les incurables, les vieillards de plus de 70 ans, et une loi de retraite, la première grande loi de retraite en France, la retraite ouvrière et paysanne en 1910. C'est important, Christophe Capuano, de revenir à ses origines. Si vous avez choisi la décennie 1880 pour commencer votre réflexion sur une histoire de la protection sociale, c'est qu'il y a bien quelque chose, parce que ce qui se met en place à la fin du 19e siècle a une incidence sur toute l'histoire de la protection sociale et aujourd'hui encore. Mais juste pour essayer de clarifier les choses, c'est quoi une retraite en 1880 ? Un travailleur, que peut-il espérer en 1880 ? Alors d'abord, avoir en tête que le terme de retraite recouvre une réalité différente, très diverse. Que ce soit une retraite d'entreprise, une retraite liée à des sociétés de secours mutuel, et puis ensuite à des dispositifs publics. Une retraite, elle va être liée au niveau de cotisation que vous avez pu réaliser. Donc on va fixer un seuil d'âge à partir duquel vous pourrez toucher votre retraite, et une durée de cotisation. Et donc, il y a certaines populations qui vont bénéficier de retraites. Elles sont très minoritaires. Par exemple, les fonctionnaires dans les mines. Également, et ça, c'est un cas tout à fait intéressant, chez les employés du métropolitain, à partir de 1898, c'est-à-dire que si on prend les origines du régime spécial de la RATP, se met en place en 1951, les origines de ce régime spécial, c'est 1898. Oui, 1898, donc c'est très tôt déjà. C'est très tôt. Ouais, c'est très tôt, parce que cette notion de régime spécial, cette question qui revient sans cesse, il faut bien trouver comment elle se met en place. Et on le sent quand on étudie, comme vous l'avez fait, Christophe Capuano, l'histoire de la protection sociale, c'est que ce qui se met en place à la fin du 19e siècle se fait de manière... un petit peu, allez, j'utilise l'expression, au doigt mouillé. On ne sait pas trop ce qu'on fait, quoi. On ne fait pas trop ce qu'on fait. Chez les réformateurs sociaux, chez les parlementaires, il y a quand même une prise de conscience que nous sommes dans la seconde phase d'industrialisation avec des métiers qui usent le corps. Dans les métiers de la mine, on a le corps usé à partir de 30, entre 30 et 40 ans, et entre 40 et 50 ans, on ne peut plus exercer ce métier. Avec le métropolitain, eh bien, apparaît des métiers également où on fonctionne en souterrain. Donc des métiers avec une pénibilité. Et les parlementaires prennent conscience de cette pénibilité. C'est-à-dire que il faut que le travailleur puisse se reposer sans compter uniquement sur son épargne, sur la prévoyance ou sur sa famille. Donc, il y a des réflexions qui sont menées. Mais elles vont être menées avec un fil conducteur qu'on va retrouver tout au long du siècle. Ce fil de conducteur, c'est comment mettre en place des dispositifs sans que ça coûte trop d'argent. Et cette obsession du financement, cette obsession des coûts, ça ne date pas des années 1980, ça ne date pas de 1945. Ça date dès de la mise en place de ces dispositifs dès les années 1880. On est obsédé par les coûts. Dès qu'on prend un dispositif qui coûte trop cher, on va le modifier. Et parfois aux dépens des bénéficiaires. Et ça, c'est... Malheureusement, ça prend le dessus sur un projet de société. Il n'y a pas de projet de société de la vieillesse. Il n'y a pas de projet de long terme. On est sur du court terme. Dès le début, on est sur du court terme et on va l'être tout au long du XXe siècle. Il y aura... À partir des années 1960, début des années 1960, une commission d'études de la vieillesse, des problèmes de la vieillesse, avec Pierre Larocque, qui va faire un rapport, le rapport Larocque en 1962, qui envisage pour la première fois des perspectives un peu de long terme. Mais la plupart de ces ambitions seront retoquées ou amendées, parce qu'on trouve là, encore une fois, très coûteux. Alors justement, on va se faire un petit plaisir, on va écouter un son, vous parliez des années 1960, Christophe Capuano, on va écouter un son François Mauriac qui était interrogé en 1965 par Michel Droit. François Mauriac, la grande bourgeoisie bordelaise, qui n'a pas des soucis de retraité et qui parle du grand âge. Quel effet cela fait d'avoir 80 ans? Eh bien, vous savez... On est d'abord très impressionné de voir que tout le monde a l'air tellement étonné que vous soyez encore vivant à 80 ans. Il n'est plus question d'être triste, de vieillir. On est vieux. On l'est définitivement. Il y a, si vous voulez, une sorte d'apaisement. On est sur la rive et on regarde passer le flot qui ne vous porte plus. On regarde passer le flot qui ne vous porte plus. Donc François Mauriac qui parle de la retraite, mais évidemment avec François Mauriac nous sommes dans une conception complètement différente que celle du travailleur pour le grand âge. Ce n'est pas du tout la même réflexion. Mais ce tournant des années 60 est important dans la prise en compte du grand âge. Il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment intéressé dans votre démarche, Christophe Capuano, dans cette réflexion autour de la prise en charge des personnes âgées, c'est la place laissée à l'invalidité et cette rupture qu'il y a quand on commence à se dire « mais non, toutes les personnes âgées bénéficient, doivent pouvoir bénéficier d'une protection ». Ça se met en place tout doucement depuis le début du XXe siècle. En fait, c'est à quel moment l'idée apparaît, ou en tout cas l'idée s'impose, que l'État prend en charge tous les vieux du pays? La loi de 1905 va déjà être une première grande mesure, première grande loi sociale d'assistance, pour prendre en charge les vieux s'ils n'ont pas de ressources et s'ils ont plus de 70 ans. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme invalide à partir de 70 ans. Mais ça construit aussi dans l'esprit des gens le fait que si vous avez 70 ans, bah, vous êtes un vieillard et vous êtes impotent. Vous voyez, c'est construit une représentation négative de la vieillesse. On peut faire le pont avec le début de la semaine où on parlait des couleurs de la vieillesse. Mais ça construit une représentation négative de la vieillesse. Et puis, on se rend compte que ces dispositions ne sont pas du tout suffisantes pour permettre à ces personnes de subvenir à leurs besoins. On met l'accent sur le maintien à domicile très tôt, parce qu'on veut éviter que les vieux avec des incapacités aillent dans les hospices. Donc, on les incite à rester chez eux, mais ils n'ont pas de service à domicile, il n'y a pas de soutien. Alors, on va créer en 1930 une majoration tierce personne pour que ces personnes âgées puissent payer un individu qui viendrait les secourir. Sauf que sans service à domicile, c'est du gré à gré, avec des gens qui surtout ont peu de moyens, cette majoration tierce personne va surtout compléter leurs très maigres ressources. Et si on contextualise d'ailleurs, Christophe Capuano, vous évoquez les années 1930, donc avec une nouvelle tentative, je reprends l'expression au doigt mouillé, on tente quelque chose, il faut contextualiser la chose. Pour les personnes âgées, dans les années 1920-1930, il y a une concurrence terrible, c'est la concurrence des anciens combattants. L'État réfléchit où accorder son aide. Alors est-ce plutôt les anciens combattants, est-ce plutôt les personnes âgées? Puis la crise économique aussi. Donc tout ça rentre en ligne de compte pour la perception des personnes âgées et de la protection sociale. Les questions sont centrales au début du XXe siècle avec la loi de 1905-1910. Et puis ensuite, ces questions sont reléguées, en quelque sorte. Sont reléguées parce qu'on donne la priorité aux jeunes, on donne la priorité à partir de la fin des années 1930, à la politique familiale, c'est-à-dire qu'une conception de la famille tournée vers la descendance, mais sans prendre en compte vraiment les ascendants. Et donc, ils sont laissés de côté. Il y a une tentative en 1936, sous le Front populaire, de mettre en place une retraite des vieux. En fait, une retraite des vieux, derrière le terme retraite, c'est un nouveau système d'assistance que le Front populaire n'arrivera pas à mettre en place. Et finalement, c'est le régime de Vichy qui mettra en place ce système qui s'appellera l'allocation aux vieux travailleurs salariés en 1941. Et donc, le régime de Vichy pourra dire, vous voyez, tout ce qu'on a fait sur les vieux. Et le régime de Vichy pourra communiquer à fond sur sa politique en faveur de la vieillesse. En réalité, ce n'est encore que de l'assistance. Ce n'est que des... On va boucher avec quelques rustines les dispositifs assistentiels, il n'y a pas de grande politique sociale pour les vieux. Ça n'existe pas. Par contre, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ces systèmes qu'on peut voir comme bénéfiques sont vus au départ de manière dangereuse pour les personnes âgées, avec la loi de 1910, parce que c'est un système patronal qui oblige à une société et la mise en place d'une société salariale. Et les gens n'ont pas forcément envie d'entrer dans un système salarial. Et surtout que ce soit la loi de 1910 ou la loi de 1905, on entre dans un système bureaucratique. C'est-à-dire que pour bénéficier de ces lois, eh bien, il va falloir donner des certificats de travail, des actes de naissance, garder toutes ces fiches de paye. Pour la loi de 1910, avoir un timbre de différentes couleurs qu'il va falloir ensuite remettre. Gérard Noiriel a un terme qui est très bien vu, c'est la colonisation du monde vécu. Comme s'il y avait une espèce de viol du monde privé. C'est-à-dire que une obligation, d'entrer dans ce système de papier, de ce système bureaucratique. Et pour la loi d'assistance de 1905, c'est encore pire, parce qu'il y a des enquêtes pour savoir si vous avez des enfants, si ces enfants peuvent payer pour vous. Si vous avez des enfants, on va baisser votre très maigre allocation, qui suffit à peine pour vivre et pour acheter de quoi se nourrir. Donc, vous voyez, il y a un système de contrôle qui va être permanent auprès de ces populations déjà démunies. Et alors Christophe Capuano, donc on voit bien le paradoxe absolu entre une protection sociale qui se met en place, mais alors qu'à un cas, et de l'autre côté une volonté de contrôle absolu. C'est vrai qu'on a tous vécu ça sans doute autour de nous, la recherche pour les anciens de toutes les fiches de paix, pour même parfois des travaux qui ont duré très peu de temps, quelques mois, mais c'est vrai que pour beaucoup ça a été une catastrophe, les papiers perdus, ça diminue la retraite. Et au milieu de toutes ces questions autour de la mise en place de la protection sociale, il y a surtout la difficulté de définir ce qu'est être vieux et ce qu'est être infirme. Et à partir de là, tout est complexe. Qu'est-ce qu'un vieux? Qu'est-ce qu'un infirme? Alors, qu'est-ce qu'un vieux? Alors, dans ma définition, la vieillesse, c'est l'entrée dans l'âge des incapacités. Donc, ce qui m'a permis de distinguer une personne âgée d'une personne vieille. Pourquoi? Parce que derrière cette analyse de la protection sociale, je montre que les gens vivent également de plus en plus âgés sans être vieux. Ils entrent de plus en plus tard dans la vieillesse. Donc, la vieillesse est assimilée dans ma définition, dans mon approche, à l'entrée dans des incapacités, à l'entrée progressivement quand ces incapacités s'alourdissent dans une dépendance. Mais c'est pour distinguer une personne âgée d'une personne vieille et montrer la force de l'allongement de la durée de vie en bonne santé tout au long du XXe siècle, grâce à l'amélioration des conditions de travail, grâce à l'hygiène, grâce à la prévention. Eh bien, on entre potentiellement de l'âge des incapacités après 60 ans au début du XXe siècle. Ça représente plus de 12% de la population potentiellement touchée par ces incapacités. À la fin du XXe siècle, on entre potentiellement dans l'âge des incapacités après 75 ans. Et ça change tout, ouais. Qui ne représente que 9% de la population. Et à cela, il faut rajouter, Christophe Capuano, l'état de santé de la personne. Un exemple avec, on va dire, deux vieux, un qui va bien et une qui va moins bien, c'est le film Amour de Michael Haneke en 2012 avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. Pourquoi tu n'as pas réagi? À quoi? À quoi? Bah, tout, à moi. Quand ça? Là, à l'instant. S'il te plaît, dis-moi ce qu'il y a. Je ne sais pas quoi répondre. Tu es certaine que tu ne te souviens pas de ce qui vient de se passer? Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Tu étais là, assise, tu regardais dans le vague et tu n'as pas répondu quand je t'ai demandé ce qui se passait. J'ai pris ce torchon, je te l'ai posé sur le visage, tu n'as pas réagi. Tiens, regarde, il y a encore des traces sur ton col. C'était quand? Là, à l'instant, il y a 2 minutes. Je ne comprends pas. Non plus. Et nous, on comprend bien, grâce à vous, Christophe Capuano, que la mise en place de la protection sociale est quelque chose de compliqué. On vient d'entendre un extrait du film Amour, un film primé de nombreuses fois et c'est mérité, de Michael Haneke. Dans ce film, on voit bien cette grande question de la prise en charge de la personne, alors en l'occurrence très invalide ici. Est-ce qu'on pourrait lire l'histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours en France, parce que c'est pas partout pareil, en disant qu'on ne sait jamais si nous sommes dans une protection pour aider des invalides, une protection pour aider des vieux, et que sans cesse on se cherche, sans jamais vraiment prendre de décision, et qu'on traverse le siècle comme ça pour en arriver où nous sommes aujourd'hui. Oui, on ne prend jamais de décision. Et ce système de refus de prendre des décisions, d'avancer avec des logiques du moindre coût, de faire des économies, ça a des conséquences. Qui paye? C'est-à-dire qui paye de son temps, de sa personne, eh bien ce sont les proches, ce sont les familles. Ce que je montre aussi, c'est que, enfin, d'abord, je déconstruis l'idée qu'il y aurait une fin des solidarités familiales, et avec des archives, je montre comment ces solidarités de conjoints, de descendants, de voisins, d'amis ont pallié. Comment ces proches ont pallié les insuffisances de l'État social tout au long du XXe siècle. Et en France, on a mis beaucoup de temps à soutenir ces proches, tout en disant, notre système repose sur ces aidants, Mais en même temps, on refuse de les soutenir. Alors pourquoi ? Parce qu'en France, il y a l'article 205 du Code civil qui, c'est le sacro-saint, c'est la sacro-sainte obligation alimentaire des descendants envers les ascendants. Et il y avait derrière ça aussi une vision très morale. Disons, si on aide les proches, eh bien, ils vont se désengager, ils vont se déresponsabiliser. Sauf que, on l'a vu dans les pays voisins, qui ont supprimé, lorsqu'ils existaient, ce type d'article, le lien affectif, il reste. Ah oui. Les gens continuent d'aider. Mais ils sont davantage soutenus. Donc, les familles ont pallié les manques de l'État social. Alors, vous avez étudié, donc, je le disais, sur un temps relativement long, parce que de 1880 à nos jours, vous avez une vision globale, Christophe Capuano, de cette histoire de la protection sociale. Et quand vous entendez aujourd'hui tous ces débats sur l'âge de la retraite, l'âge, c'est une vraie question, hein, vous en parlez évidemment sur cette question de l'âge, vous dites, un tel questionnement invite à réfléchir plus largement à l'utilisation de l'âge chronologique comme concept opératoire d'analyse historique à côté du genre, de l'origine et de la classe. Et oui, parce qu'il n'y a pas que l'âge qui fait un individu. Quelle réflexion ça vous apporte, ce débat autour de l'âge? D'abord, l'idée de construire des politiques sociales autour de l'âge, ça crée un certain nombre de problèmes. Par exemple, on était dans une logique qu'on peut appeler une logique finaliste jusqu'à la fin du XXe siècle, où on ne prenait en compte que les besoins, que ce soit des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées en situation de dépendance, peu importe l'âge, on prenait en compte les besoins, les dispositifs, notamment l'allocation compensatrice tierce personne, un dispositif qui était mis en place en 1975, qui était avantageux et qui ne faisait pas de distinction, parce que les problématiques sont les mêmes. À partir de 1997, on a mis en place une politique de distinction, de discrimination, entre d'un côté les personnes âgées dites dépendantes et les personnes handicapées, avec un seuil de 60 ans. Alors que bon, on entre dans l'âge de la dépendance beaucoup, enfin dans la période de la dépendance beaucoup plus tard que 60 ans, c'est un seuil extrêmement arbitraire pour distinguer de population pour des raisons encore une fois économiques, pour des raisons budgétaires, hein, pour limiter les coûts, pour cloisonner les personnes âgées dans une catégorie spécifique, et pour mieux contrôler les dépenses pour cette catégorie. Donc, alors que tous nos voisins européens, et il y a un conseil des ministres européens qui souhaitait qu'on reste dans un système de finaliste, où on ne s'intéresse qu'aux besoins, France s'écarte de ces principes, s'écarte de ses voisins, en menant une politique en fonction d'un seuil d'âge arbitraire. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on comprend en lisant Que faire de nos vieux, une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours, Christophe Capuano. Donc, ce sont les presses de Sciences Po. On comprend que c'est au doigt mouillé, c'est un peu sans harmonie, un manque d'harmonisation depuis les années 1880 et qu'on retrouve ça encore aujourd'hui. Mais il y a quand même une question qui est importante là-dedans, c'est pas tellement celle de vieillir, parce que vieillir, on va tous vieillir, on n'a pas le choix, c'est comme ça, ça vieillit, les jours passent, c'est... La seule question vraiment qui vaille, c'est de bien vieillir. Exemple avec Brigitte Fontaine et sa carte senior. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon-bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition, alcool à la télévision. papier clope manque de fric et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition, paroles, cris, fornication. Foutre interdit à 60 ans ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans pouvoir ni loi. Si je meurs, ce sera de joie. Brigitte Fontaine, Prohibition dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Perret Le Gras avec aujourd'hui à la technique Clément Daté. Et nous allons poursuivre notre réflexion autour de la prise en charge de nos vieux, mais c'est le titre de votre livre, Christophe Capuano, Que faire de nos vieux, avec vous. Francis Carrier, donc militant de la première heure de la lutte contre le sida, vous êtes fondateur de l'association Grey Pride. Tout de suite, je vous demande, qu'est-ce que Grey Pride ? Ben, Grey Pride, c'est part d'un constat, c'est que les minorités, bon, puisque je fais partie d'une minorité, je suis gay, je suis par ailleurs bénévole au Petit Frère des Pauvres, et le constat que j'ai fait, c'est que les minorités, bien dit, ont tendance à disparaître en vieillissant, comme si l'orientation sexuelle, l'identité de genre, mais pas seulement, la culture, des individus avaient tendance à s'estomper devant une nouvelle identité qui est celle de vieux. Et donc la réflexion que j'ai, c'est de dire, ben, en fin de compte, non, c'est inacceptable. Notre identité ne se résume pas à la vieillesse, à être un vieux. Être vieux, c'est pas une identité, c'est pas un délit, c'est pas une pathologie. Et pourtant, quand on regarde, en fin de compte, tout est construit autour de ces trois aspects. Et le constat que je fais, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de projet de la vieillesse dans notre société. Il y a une assistance, mais pas un réel projet. On parle d'occupation, on parle de revenus, mais la vieillesse ne se résume pas à ça. Elle se résume aujourd'hui, d'abord, c'est quelque chose de très récent, de très, très nouveau. Cette masse de vieux qui apparaît progressivement dans la société est quelque chose de très récent, de vieux qui sont potentiellement actifs et qui, aujourd'hui, n'ont pas réellement un rôle. Donc, ont une difficulté à retrouver leur identité dans ce que leur propose la société. Donc, Francis Carrier, si je résume ce que vous venez de dire, lors de son existence, nous avons des identités, des choix, nous travaillons, nous sommes selon notre orientation sexuelle, notre métier, notre genre, mille choses. Et puis un jour, il y a une rupture. Cette rupture, c'est le pot de départ à la retraite. Warren, tu as été productif. Tu as travaillé pour une super société. Oui, une des compagnies d'assurance les plus prestigieuses de la nation. Tu as fondé une magnifique famille. Tu as construit une belle maison. Tu es respecté par ton entourage. Tu as des amis merveilleux et qui te sont fidèles. À la fin de sa carrière, si un homme peut regarder le chemin parcouru et dire « Je l'ai fait, j'ai fait mon travail », il peut se retirer dans la gloire et jouir des richesses qui sont à mille lieues du monde monétaire. Alors, je demande à tous les jeunes ici présents de regarder attentivement un homme très riche. Je t'aime beaucoup. Le pot de départ dans Mr. Schmidt, un film d'Alexander Payne en 2002 avec Jack Nicholson qui est Warren Schmidt. Alors c'est vrai que ce pot de départ est un moment symbolique dans une vie, comme si après toutes les identités disparaissaient pour qu'une seule identité s'impose à tout, c'est la vieillesse. Francis Carrier, vous luttez contre ça. Vous voulez que l'on conserve nos identités, celles qui font ce que nous sommes. L'époque de la retraite, de la vieillesse, pour moi, est une époque de liberté, c'est le seul moment dans notre vie où on a la capacité de pouvoir exprimer tout ce que l'on souhaite et sans aucun enjeu particulier. Et c'est une autre époque qui est liée à la transmission de notre expérience. C'est-à-dire qu'on a vécu, on a travaillé, on a accumulé une expérience que l'on souhaite et naturellement pouvoir transmettre. Sauf que l'absence de projet et le fait d'être mis à l'écart progressivement de la société fait que il n'y a plus de rôle qui est réservé, et c'est un danger réel pour la société. Lorsqu'on pense que dans les années 50, dans 2050, il y aura 20-30% de personnes de plus de 60 ans, comment on peut construire une société en mettant à part 30% de la population? Mais c'est on va vers des clivages et des difficultés énormes. Donc il faut retrouver à tout prix et reconstruire ces images, parce que pourquoi c'est très facile à comprendre pourquoi il y a rien qui se passe. C'est que il y a une crainte et un déni de la vieillesse et de la mort. Donc en fin de compte, on a délégué toute la vieillesse aux politiques, au médical, au contrôleur de gestion ou au monde des affaires. Mais les gens concernés par eux-mêmes, par cette vie, ne sont pas acteurs aujourd'hui. Ils pensent que en faisant semblant de continuer à rester jeunes, ils vont avoir l'inoculation de tous les défauts de la vieillesse et de la mort. Ben non, c'est une époque différente, mais qui est une époque qu'il faut à tout prix valoriser, qu'il faut retrouver pour pouvoir donc revivre. Je trouve désolé de voir qu'on réduit sans arrêt le problème de la vieillesse aux aspects financiers, aux flux financiers. C'est loin d'être le premier problème aujourd'hui. Tous les dispositifs qui existent sont incohérents parce qu'on n'a pas pensé le projet de la vieillesse. On ne pense pas aujourd'hui. Bon, quand on parle de dépendance, bon, il y a différentes époques, comme vous l'avez dit. Mais quand on parle de dépendance, on nous offre soit rester à notre domicile, mais dans des conditions qui sont aujourd'hui inopérantes. Il faut savoir qu'il n'y a aucune coordination des différents services qui viennent chez vous. Si vous avez des problèmes administratifs ou de bricolage, personne ne va venir s'occuper de ces aspects. Donc, progressivement, le chez vous devient chez les autres, puisque vous avez un défilé de personnes que vous ne connaissez pas. Et pourtant, on continue de privilégier cet aspect-là. Ou on vous dit, eh bien, allez dans le collectif, et là, on vous propose un endroit où vous perdez toute identité. Alors, parce que on parlait des couleurs, justement, eh bien, la vieillesse, elle manque de couleurs. On ne respecte pas l'affinitaire. On traite les vieux dans les institutions comme s'ils partaient dans une colonie de vacances. Vous allez avoir de nouveaux amis, de nouvelles activités, ça va être super. Non, ça va pas être super. Eh ben, Francis Carrier, justement, il faut laisser la parole au premier concerné, c'est-à-dire aux vieux, parce que nous aimons bien ce mot-là, parce qu'il n'est pas méprisant. Nous écoutons un extrait du film documentaire de Sébastien Lifsitz, Les Invisibles. Je pense que c'est ça l'amour, c'est le faire, mais avec le plaisir de le faire. Tu vois, j'ai connu dans ma vie un homme de 80 ans, il venait voir une de ses maîtresses et il faisait 50 km pour venir coucher avec la maîtresse. Mais c'est ça qui est le bonheur. C'est conserver jeune moralement et physiquement, quoi. Et ça, souvent, on ne veut pas le croire, et ça, je peux le montrer à n'importe qui, quoi. Et c'est ça, si on arrête de faire l'amour, femme ou homme, vous ne pouvez plus repartir. À 50 ans, souvent, ben, les femmes ne veulent plus, donc les hommes sont un peu pris là. Donc il y a deux choses, une, comme on dit, soit la veuve poignée, soit... C'est ça. Tu comprends? Il n'y a pas de choix. Et si tu arrêtes, tu ne peux plus repartir. Tous les gens que j'ai connus arrêter, ben non. Je pense que, tu sais, le corps se laisse aller. C'est comme quand tu es à la retraite, si tu prends un fauteuil, tu regardes la télévision, à 70 ans, tu es au cimetière. Tac, au moins ça s'est dit, un extrait des Invisibles, un film de Sébastien Lifsitz. C'était en 2012. C'est vrai que cette parole du troisième âge est mise de côté très facilement par les décideurs, ceux qui vont mettre en place la protection sociale. Et puis après, il y a tous ces sujets tabous. Moi, j'ai juste jeté un œil sur le site de votre association, Grey Pride, et c'est vrai qu'on voit les différents thèmes abordés, sexualité et tabou chez les seniors. Et tout ça, c'est à mettre sur la table, parce que vraiment, s'il y a un sujet qui a été tabou à travers les décennies passées, c'est bien, enfin même les siècles, c'est bien la sexualité des seniors. Totalement, c'est que C'est un non-sujet, c'est-à-dire qu'on considère que la sexualité doit faire place à la tendresse, à autre chose, mais comme si c'était quelque chose qui n'était pas une composante inhérente à l'être humain. Comme je dis, le premier organe sexuel, c'est notre cerveau, et notre cerveau, il conserve les images de désir, de pulsion que nous avons eues tout au long de notre vie, et c'est pas parce que nous avons 70, 80, 90 ans que elle s'arrête. À tel point que aujourd'hui, tous les problèmes de désinhibition que l'on a dans les établissements, donc avec des personnes qui ont des problèmes cognitifs, sont très très mal gérés, parce que c'est des sujets dans lesquels on est tellement mal à l'aise qu'on règle ces problèmes par la contention physique ou chimique, alors que il y a une nécessité de lever ces tabous, de pouvoir en discuter, de pouvoir parler et de pouvoir prendre en compte ces besoins affectifs et sexuels qui existent jusqu'à la fin de notre vie. Christophe Capuano, vous avez donc étudié l'histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours. Avez-vous rencontré quelque part une interrogation autour de ces questions du bien-être, sans entrer dans la sexualité particulièrement? Mais est-ce que ça apparaît quelque part dans les réflexions de nos dirigeants? Alors, dans le groupe de travail autour de Pierre Larocque, il y a une première réflexion autour du bien-être. Et c'est la première fois qu'on pose la question de l'insertion, enfin de la place de la personne âgée dans la société, en disant qu'il faut la sociabiliser au maximum ou la re-sociabiliser. Donc avec des projets de logement qui seraient conjoints avec des projets pour des familles, par exemple, avec le lancement des voyages pour personnes âgées, des clubs du troisième âge, de l'université tous âges, etc. Donc c'est-à-dire penser que la personne âgée, parce qu'elle est à la retraite, n'est pas hors de la société. Elle peut mener une activité tout à fait, tout à fait normale. Et parfois se mettre à la portée. Bon, c'était encore dans la génération des années 1960, hein, c'est-à-dire que à 70 ans, on était souvent très âgé, pas comme à la fin des années. Du XXe siècle au début du XXIe siècle. Mais voilà, on pense les dispositifs et on pense la culture, on pense les loisirs. Alors Francis Carrier, non, les loisirs, vous dites oui, d'accord, ok, mais on ne veut pas se faire imposer quelque chose de formaté pour les retraités. Il y a une autre vie à construire, ou en tout cas une vie à continuer, et c'est l'action de votre association Grey Pride. Ça se concrétise comment, ces manifestations? Ça se concrétise en essayant de trouver tout un tas d'actions qui travaillent sur le désir de vivre. Tout au long de notre vie, on nous dit, surtout lorsqu'on est âgé, il n'avait plus le désir de vivre, mais il s'est laissé mourir. Bien, le désir de vivre, il s'entretient en conservant des rôles, en respectant l'identité, en permettant aux individus d'avoir une vie affective, sexuelle, et un rôle social. C'est cette identité qu'il ne faut pas toucher. Il faut à tout prix ne pas la réduire à cet aspect de vieux. Et donc, nous construisons des projets autour de l'habitat affinitaire. Nous sommes en train de déployer un label qui s'appelle Grey Pride Bienvenue, que nous allons déployer dans les EHPAD parisiens, dans un premier temps, pour faire travailler tous les salariés sur la sexualité, l'aspect donc et la diversité, puisque bien sûr c'est un des aspects qui est aujourd'hui largement ignoré, et donc c'est travailler sur tous ces aspects qui doivent maintenir à tout prix le désir de vivre pour les individus. Il y a un chiffre quand même que je voudrais signaler: il y a en France 3000 personnes qui se suicident de façon officielle, c'est-à-dire c'est des suicides actifs et pas les suicides passifs, de personnes de plus de 60 ans dans notre société. C'est comparable au nombre d'accidentés de la route, personne n'en parle. Mmh. Et ce chiffre est largement sous-estimé, puisqu'on peut considérer que c'est des milliers de personnes qui se laissent mourir.